pas le souhaiter la raisonner. Mal évité d'un lit d'abdomen, la lente et notre chambre garçon. Garçon qui travaille pour femme, femme n'a pas la pose au glou. C'est voisinage qui pour raconter où l'homme parle à sa dérivé. Chaque jour là dans le cinéma, chaque week-end il a coupé. Faut que nous résilier sans la femme, non pas en rien. Bon, mes amis, gardons ma bague. Monsieur, elle est brûlée, elle est brûlée. Wow, gardons si tu mesdames rapides à 15, 18, 16, mes amis, gardez. Souhait, enlève le frein, en bas de gros. Gardez non, bon, bon, même là, donne même, sorti faiblesse. Tout le monde qui fanatique c'est l'aide, tu vois dans ses lettres. C'est pas côté pour venir à frère. Ni venir à tonton, ni tontine. Parce que l'aime tout ça, ou à mon dirigeant, ou à mon jeune, moi non même. Mais l'autre, c'est deux inconnus qui rentrent ensemble. Pardon dans la classe. Mon compère, des petits coups de nous. Sans mesurer, ma prends tout.